Les débats. Pas de radio et. Pas d'insultes. De Gérard. Donc, ils sont fermés un jour par semaine, donc ça fait 7 jours sur 6. Ouais, non, mais de toute manière, tu fais 39 heures, c'est 7 jours sur 7. T'es d'accord avec moi? Ouais, bah ouais. Et 35 heures, c'est. Tu retires 2 jours, ça fait 5 sur 5. Non, mais moi, je te préviens. Ou ce soir, vous me faites du boulot correctement. Ou vous me faites de la merde tous les deux. Alors, au quatrième top, au quatrième top, il sera qu'on va mettre un disque. Et vous me faites chier, vous me faites chier. Non, c'est ma soeur qui bat le cul d'un catcheur entre à 90 à l'heure. Oh, hey, toi, tu fermes ta gueule. Parce que là, pour l'instant, vous êtes deux PD en train de me faire des conneries. Je veux qu'on atteigne qu'on débatte, qu'on dépasse le record de la semaine dernière, c'est-à-dire les 8723. Je veux qu'on arrive à 10 000. Parce que Max, en semaine, il arrive pas à faire ça. C'est pas ça le premier indicateur. Ouais, mais et là, c'est le problème. Mais ça, la question, on va y arriver. Parce que c'est vrai que, en fin de compte, on travaille que 24 heures dans une journée, mais c'est de la faute à qui? C'est pas de notre faute, c'est de la faute du gouvernement. Et sinon, on me demande 35 heures, ça fait combien en minutes? 35 heures, ça fait 1h05, hein, c'est tout. Hein. C'est terminé demain. Pour l'instant, t'es en train de me faire un débat demain. De couilles. Allez, Gérard. Allez, Gérard. Ok, les chauffeurs routiers font 7 jours sur 6. On est bien d'accord. C'est est-ce que vous travaillez 35 heures par semaine ou par mois? Parce que par jour, tu peux pas faire 35 heures. C'est impossible. Mm-hmm. Parce que t'as 12 heures dans une journée. Ouais, t'en as 24. Ah non, 12. Mais non, 12. Ah, ouais. C'est con, quoi. Bah, mais t'es vraiment con, toi. Mais les mecs, ils bossent de nuit. Il y a 12 heures. Dans une journée, et ça commence. Tu fais de minuit à midi, ça fait 12. Mmh. Et après, tu fais... De midi à minuit, ça fait 12, ça fait 24. Ouais, et 24. Et alors, et après, 24 et 24, 48. 48 heures. Est-ce que le patron va te payer 48 heures? 4 plus 2. Il va pas te payer 48 heures, il va te payer combien? 7 divisé par 3, c'est combien? Racine de 12. Il va te payer combien? Bah 24 heures. Non, il va te payer 35 heures. Gérard, c'est 35 conneries toutes les 35 secondes et un changement de slip toutes les 35 heures, ça changera donc pas grand chose. Bon, lui, il va se faire foutre. Hop! Attends! Hé! Tu me laisses parler! Bon, allez, hop, terminé pour lui. Hop, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Terminé, c'est fini.